Je suis sorti dans un petit bar. Hey, salut Jesse, bienvenue. Entre, c'est 5 dollars du corps. Discothèque, filles et accessoires. J'aime comment elle s'habille. Espoir. Ça me rend débile à force d'y croire qu'il y a de l'espoir. Du miroir 50 pièces. La cocaïne brille dans le noir. Les rouges à lèvres de collagène amène tes lèvres. Colle-toi, je me dégêne. Fait que je suis retourné le lendemain, cruiser une blonde. Pas mal plus belle avec des gros tâtons, là. Je l'ai approchée, quand je l'ai vue, j'ai fait « Ah oui, c'est elle que ça me prend. » Je suis arrivé pas loin d'elle, puis j'y ai dit « C'est toi que je veux. » Direct. Elle apprendra à être honnête avec les femmes.